Cette édition du Undead Incorporated Show, réanimation, mis à part deux présentations, très bonnes je dois dire, rien de spécial, une programmation que je qualifierais de régulière, voire même normale, mais tout de même très métallique. Mais ce qu'il est moins normal, est de voir comment la température nous traite depuis plusieurs semaines. Nous avons reçu tellement de pluie que certaines régions doivent commencer à croire que c'est le retour du déluge. D'ailleurs, cela me fait penser que je devrais débuter la construction d'une arche, tout comme Noé. Sauf que moi, en plus d'y prendre à bord le plus d'animaux possible, en ce qui concerne le genre humain, je serai plus sélectif. Seulement deux représentants du genre Death Metal, Trash Metal, Doom Metal, Symphonic Metal, Speed Metal, Dark Metal, possiblement Heavy Metal... aussi, et bien entendu, les amateurs de vrai rock et de prog. Tant qu'au black metal, vous n'êtes pas en reste, j'aurais préparé des canaux juste pour vous. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il décide de réécrire l'histoire, et que cette histoire est celle d'un gars qui se peinturait la face en blanc et noir et qui ne savait pas nager. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are undead incorporated. 'Cause I, Pendragon, said so. Go. I see them dipping. We'll be right back. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous êtes passionné ou curieux du monde de la course automobile? Vous voulez en savoir sur la technologie des véhicules électriques? Dans l'émission En piste avec Tania Baudin, on discute de tout ça et bien plus. Formule 1, NASCAR, karting, World Rallycross, En piste avec Tania Baudin, les mercredis à 14h. Bonjour, ici Noé Talbot qui vous parle en direct de la 4e Rivière. Je voulais pas dire que c'est fou de jouer à C'est fou, fait que c'est débile de jouer à C'est fou. Mon tout dernier extrait, Matane, j'ai failli l'appeler. Qu'est-ce qui est écrit? Trois-Rivières. Sauf qu'il n'y a pas de crevette à Trois-Rivières. Fait que j'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de C'est fou. Et reste qui, ce qui est pour nous dire adieu. Si on a déjà tout vendu, même notre Dieu. Le groupe des médias étudiants de l'UQTR, qui regroupe CIFU 89.1 FM et le journal Zone Campus, vous invite à son Assemblée générale annuelle. C'est l'occasion de mieux connaître l'organisme, d'avoir la possibilité de vous y impliquer et de pouvoir vous prononcer sur les points à l'ordre du jour, comme les finances et le plan stratégique. L'Assemblée aura lieu à la Chasse-Galerie le mardi 18 avril prochain dès 17h. Une consommation vous est offerte. Soyez-y en grand nombre. Cogeco et la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières vous proposent Bernard Adamus et son spectacle en threesome, s'il vous plaît, le 22 septembre, La Touchante Béris le 19 octobre et Tire le Coyote le 30 novembre. Pour tous les détails, visitez enspectacle.ca. C'est fou, 89.1. Je ne vous souhaite pas. Ah, toi non plus. Eh bien, nous sommes deux à ne pas vous souhaiter la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 18 avril de l'an des disgrâces 2017. Je suis le Dr. Payne Pendragon. Et lui, ben, vous l'avez reconnu certainement, hein? Oui, c'est Horace. You rules! You rules, man. Émission qui rattrapera tant bien que mal celle de la semaine dernière puisque je n'y étais pas, évidemment, parce que je vous le dirai un peu plus en détail tout à l'heure, mais j'ai eu le grand plaisir et bonheur d'assister au spectacle de Gorgots mardi dernier. Thématique sur laquelle je reviendrai d'environ 25, 26, 27, 28, 29, peut-être 30 minutes. Quoi qu'il en soit, cette semaine, je présente ce que j'avais l'intention de présenter la semaine dernière, c'est-à-dire deux nouveautés, oui, d'une certaine façon, parce qu'ils ont été découverts par mon humble serviteur, votre humble serviteur qui est moi-même, il y a de cela environ deux semaines. Je parle de la formation Texan Power Trip, ainsi que les Américains également de Rob Discords. Mais avant ça, on va avoir une programmation qui va être, comme je l'ai dit d'emblée, en présentation plus traditionnellement normale. J'aurai bien sûr une chronique cinéma qui est quand même relativement bien meublée aussi. Je pense que sans plus attendre, on va passer au deuxième bloc. Mais avant, faisons la nomenclature de ce que nous avons eu en entrée, c'est-à-dire un bloc qui était consacré à l'année 1984 et cinq albums qui ont su marquer cette année, qui était une année de d'effervescence dans le monde du métal. Je parle des trucs que j'ai pas l'habitude de passer nécessairement. Nous avions à la pause publicitaire la formation de San Francisco Metal Church et un extrait de leur premier album homonyme qui est paru en juillet 84 sur Ground Zero, soit la pièce éponyme. Donc c'était Metal Church avec Metal Church de l'album Metal Church, avec le vocal du regretté David Wayne qui est décédé en 2005. Juste avant, nous avions les Britanniques, ils nous sont présentés évidemment. C'est une icône dans le monde du métal, soit Iron Maiden. Oui, effectivement, j'ai quelques écartades à l'occasion, surtout en ce qui a trait à Iron Maiden. Two Minutes to Midnight, qui est paru sur l'album Power Slave, le cinquième à être paru le 3 septembre 84 sur EMI. Ben, écoutez, j'ai absolument rien contre Two Minutes to Midnight. Je trouve que c'est une très bonne pièce. C'est une pièce aussi qui a été assez marquante pour cette année, pour Maiden aussi. Dio, Ronnie James Dio. Et la pièce titre de cet album, The Last in Line, qui se voulait son deuxième album solo, qui était paru le 2 juillet 84 sur Warner. Je me suis rendu compte en programmant cette pièce-là que je n'en passe peut-être pas assez souvent du Dio et je devrais corriger ça. Très bonne pièce de Last in Line, soit dit en passant. Et cet album du même titre aura été aussi très important en 1984. Juste avant, nous avions Metallica. Oui, et ces clowns de San Francisco, ben, à l'époque, il l'était un peu moins, je dois le dire. Metallica et la pièce For Whom the Bell Tolls, qui est tirée de leur deuxième album, eux aussi, Ride the Lightning, paru le 27 juillet 84 sur Megaforce. Ça reste que c'est un bon album. Là. Encore aujourd'hui, Ride the Lightning est un bon album, et c'est un des bons albums de métal. Et c'était très marquant aussi pour cette année. Et cette année, qui était 84 et pas 2017, bien entendu, faut tout lui dire, eux autres. Et on a ouvert avec A Merciful Fate et King Diamond, bien sûr, ce Danois. Je parle pas de chien ici, bien du Danemark. Ah, c'est incroyable, hein? Faut vraiment que je spécifie tout. La pièce Gypsy, qu'on trouve sur le deuxième album également de Merciful Fate, Don't Break the Halt, qui est paru le 7 septembre 84 sur Roadrunner. Donc, cinq albums, j'aurais pu en nommer encore, j'aurais pu consacrer l'émission facilement à ça et encore, mais je trouvais que c'était des albums qui avaient été quand même assez emblématiques de cette année 84, donc je voulais qu'on s'en rappelle. Poursuivons à l'instant musicalement avec des formations qui tournent autour, il y a une petite influence black, là, si on parle de Samael, avec qui on va ouvrir à cette époque-là, en 94. On va entendre la plus récente parution des anciens résidents de Jérusalem, maintenant de Hollande, Melekesh, ainsi que ceux qui donnent dans un métal atmosphérique tendance doom, Shape of Despair. Donc tout de suite, allons-y avec Samael, Baphomet's Throne. Let's go! Question.

Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le vendredi 21 avril, ne manquez pas Collectivo et The Beatdown en spectacle au Salon Wabasso de la Chope du Trou du Diable. Collectivo, c'est 11 musiciens provenant de la scène alternative montréalaise qui, depuis 10 ans, nous font voyager et danser grâce à leur musique rythmée et colorée. Et The Beatdown, c'est un véritable ambassadeur de la scène reggae du Québec. Collectivo et The Beatdown, dès 21h30 le vendredi 21 avril au Salon Wabasso de la Chope du Trou du Diable. Du lundi au jeudi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Médecine, sport, sciences, musique, vocabulaire, politique, discussion. Actualité, connaissances générales, gadgets, malbouffe, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Assemblage requis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Assemblage requis. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 17h. h 5, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation The Undead and Corporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et on vient d'entendre à l'instant avant cette pause publicitaire la formation finlandaise Shape of Despair et la très très bonne pièce Sleeping Murder qu'on retrouve sur leur compilation homonyme Shape of Despair qui est paru en 2005. Notez que le dernier album en liste de la formation Shape of Despair, qui porte le titre de Monotony Fields, a été, selon mes goûts, épouvantablement mauvais. Ben, il faut aimer ce qui est très, très aérien et très, je dirais, ambiant, et surtout très répétitif, ce qui n'a pas été mon cas pour ce dernier album. Il y a beaucoup de choses que j'aime qu'ils ont fait, mais décidément pas Monotony Fields. Justement, nous avions la formation Melakesh et la pièce The Outsiders, très bonne pièce qu'on retrouve sur leur dernier album, leur sixième Enki, qui est paru en 2015 sur Nuclear Blast. Et nous avions ouvert avec Samael, formation suisse, et une pièce tirée de leur troisième album, Ceremony of the Opposites, qui est paru en 1994 sous étiquette Century Media, soit Baphomet's Throne. Une époque où Samael était encore avec certains relents d'influence beaucoup plus black metal, mais il tendait tranquillement pas vite à s'en aller vers autre chose qui pour aujourd'hui allait se signaler comme étant beaucoup plus électronique, voire industriel. Des trucs qui sont encore assez bons, je dois dire, de Samael. Mais moi, c'est la période vraiment entre les deux que je préfère. Soit la période plus du début des années, je dirais... fin 90, début 2000. Côté musique, justement, eh bien, il y a une formation suédoise qui porte le nom de Doomsday Kingdom, formation qui donne dans un hard rock doom metal. L'album est homonyme de Doomsday Kingdom, c'est paru récemment, il y a peu de temps, je n'ai plus la date par cœur, mais c'est pas grave, ça. Sous étiquette Nuclear Blast, disponible en CD et en vinyle. Ben, c'est une formation qui... en fait, c'est une formation maintenant, parce qu'à l'époque, ça a été un one-man band, jusqu'en 2016, soit l'an dernier, que j'ai découvert avec cet album, premier album studio. Et je dois dire que j'ai trouvé ça assez bien. On retrouve beaucoup de sonorités du hard rock, qui côtoie des aspects un peu plus métallisés par moment sur une base doom. un peu à la Candlemass au niveau du mélodique. Puis dans cette mixture-là, on retrouve certaines influences, je dois dire, à l'occasion, faut être attentif, de la formation Ghost. Plus au niveau peut-être des arrangements, évidemment, quand ils étaient bons. Ce que je trouve plus y est le cas maintenant. Peu importe, c'est une question de goût. Ça amène un petit quelque chose d'intéressant. Doomsday Kingdom, c'est un groupe qui mérite des découvertes. La pochette est très belle, la présentation est vraiment belle. Faut apprécier un vocal plus harmonieux par contre. Hein. C'est pas du vocal très gras, mais pas du tout. Bref, c'est intéressant à découvrir Doomsday Kingdom. Un autre truc qui m'a attiré énormément par la pochette, parce qu'elle est vraiment géniale, c'est November's Doom. Oui, je suis un peu dans le Doom présentement. J'en ai parlé il y a 2 ou 3 semaines, puis j'étais à réexplorer un peu plus ce genre musical. Formation américaine qui donne dans un Doom Metal... je dirais pas d'être loin de là, mais bon. C'est le qualificatif qu'on leur a donné. L'album s'appelle Amartya, et c'est sur The End Records, et j'ai découvert encore cette formation-là avec cet album qui est quand même leur 10e, donc je crois que ils sont passés inaperçus en ce qui me concerne, ou que je n'ai pas cherché au bon endroit, mais peu importe. J'ai découvert avec cet album, et comme je le disais, j'ai été attiré par la pochette, et la première pièce est vraiment très bonne, Devil's Light. C'est par la suite que je dois dire que j'ai eu beaucoup de misère avec le vocal de Paul Kerr, qui m'a vraiment pas plu du tout. Donc, malheureusement, ma découverte de November's Doom se résume pas mal à la première pièce de Devil's Light, mais qui mérite amplement d'être découverte. Ce que je vous présenterai la semaine prochaine, c'est une formation que j'ai découvert aussi assez récemment, une formation américaine qui est dans un Doom Stoner Metal, soit Blood Raven et l'album Jotun. C'est indépendant, c'est disponible de façon digitale et c'est assez intéressant. Je garde les commentaires plus approfondis pour la semaine prochaine puisque j'aurai une présentation de cette formation Blood Raven. Et tant qu'à ce soir, ben, je vous propose en quelques instants une formation américaine, formation qui vient du Texas, qui porte le nom de Power Trip, qui donne dans un trash metal crossover. L'album est Nightmare Logic, qui est leur 2e album. Je découvre avec Power Trip, et je dois être honnête, j'ai découvert Power Trip en écoutant Subversion, l'émission de mon ami DJ Tower of Death, qui a présenté une pièce, et par la suite, j'ai pu lire le commentaire de mon ami Sinistro sur lemort.com, ce qui m'a conseillé à aller découvrir Power Trip, et c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai fait, et je les en remercie grandement de m'avoir fait découvrir Power Trip. Je vous propose à l'instant d'aller écouter 3 pièces de cet album Nightmare Logic. Donc, à l'instant, Power Trip, let's go! Thank you. La formation du Texas, Power Trip, trois pièces tirées de leur plus récente parution, Nightmare Logic, qui est leur deuxième album paru le 24 février dernier. Ben effectivement, je les aurais peut-être connus un peu plus tard que la sortie de leur album, soit un peu plus d'un mois, oui, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, vaut mieux tard que jamais. Trois excellentes pièces, très bonne formation, qui est dans un thrash metal à saveur crossover. Formation qui est active depuis 2008, dont je n'avais pas entendu parler auparavant. Premier album étant Manifest Decimation de 2013. On a entendu à l'instant la pièce titre Nightmare Logic, qui est probablement ma préférée jusqu'à présent de cet album, sous étiquette Sword and Lord. C'était précédé de Flying Squad. Et en ouverture, Soul Sacrifice, très bon album, je le recommande à ceux qui apprécient le genre et qui ont une petite nostalgie pour le crossover, les bonnes années du crossover, courte période par contre des années 80. Mardi dernier, j'ai assisté, mais je n'ai pas été présent à l'émission de réanimation pour une simple et unique raison, c'est que j'ai eu le plaisir et le privilège d'aller assister à la prestation qui avait lieu ici à Shawinigan, soit au Salon Wabasso du Trou du Diable, cette brasserie artisanale, pour voir trois formations qui sont respectivement... Ben en fait, c'était la résurrection, si on veut, de Exotoxique, qui ne s'était pas produit depuis 17 années, soit lors du premier Metal Fest de Trois-Rivières en 2000. Une résurrection pour la formation avec trois membres originaux du band et l'ajout de Jeff Hall à la guitare. Eh bien, c'était très, très le fun de les voir. On a senti beaucoup, beaucoup de plaisir entre les membres du band. Ils étaient heureux de se produire. Une formation qui donne dans un grind assez puissant par moment, je dois dire. Mais qui est entrecoupé par des commentaires tout à fait savoureux de Dominique, le guitariste chanteur. Donc, c'était une belle prestation des Exotoxique, un beau retour sur scène. Et il semble, selon les dires des membres du groupe, que ce n'est que partie remise pour pouvoir les revoir. Par la suite, on a le droit de voir la formation District Mia, qui met en vedette Colin Marston, le bassiste également que l'on retrouve dans Gorguts, ainsi que Kevin Hofnagel, le guitariste aussi dans Gorguts. Formation qui nous a donné une prestation d'une quarantaine de minutes dans un métal tout à fait éclaté et instrumental, qui entremêlait les complexités du jazz fusion, mais extrême, avec certaines portions plus, je dirais, traditionnelles du rock, avec un mélange de métal un peu plus spatial. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié la performance de Street Mia, et je dois dire que j'ai été fort impressionné par Kevin Hofnagel, qui est un musicien tout à fait accompli, qui semble maîtriser son instrument comme c'était une extension de son corps directement, un sixième bras si on veut, ou une deuxième tête. Quelqu'un qui vit pleinement ce qu'il joue. Et je dois dire aussi que Colin Marston, le bassiste, est quelqu'un de assez prodigieux aussi. Donc j'ai beaucoup aimé The Street Mia. Et le clou du spectacle a été bien entendu la prestation de Gorguts, qui est bien entendu une formation qui n'est plus à présenter, dont le leader est Luc Lemay, avec qui j'ai réussi à m'entretenir quelques instants avant le spectacle. Qui est quelqu'un, j'avais jamais eu le plaisir de parler avec Luc, c'est quelqu'un de tout à fait gentil, très sympathique, très généreux de sa personne. C'était très agréable, et le spectacle, j'avais vu Gorguts à quelques reprises par le passé, mais là c'est un spectacle un peu plus dans un contexte un peu plus intime si on veut, très près du groupe si on physiquement on était très près du groupe. Très, très bon spectacle de Gorguts, très intense. Et ce que j'apprécie de plus en plus, parce que j'aime beaucoup le groupe, mais ce que j'apprécie de plus en plus avec Gorguts, surtout avec, je dirais, la sortie de leur dernier album complet, Colored Sands, ainsi que Play It As Dust, le EP de 2016, c'est que malgré qu'on aborde des aspects beaucoup plus spatiaux, beaucoup plus d'ambiance, ça reste tout de même très intense. Donc, un excellent spectacle pour ces trois formations, Gorguts, District Mia et... Exotoxique, une présentation de Tourvière Metal. Chapeau les amis, vous avez fait quelque chose de très bien. Et la salle du salon Wabasso du Trou du Diable est tout à fait agréable. Au niveau du cinéma, on va essayer d'accélérer le processus un peu. J'ai vu quelques trucs depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Je vous entends pas si vous me parlez, là. Actuellement, en salle, c'est l'adaptation cinématographique du manga Ghost in the Shell. Ça met en vedette Scarlett Johansson, Pilou Asbeck et Kateshi Kitano, que je ne connais pas. Bref, je me rappelle avoir vu à l'époque Ghost in the Shell. J'avais trouvé que c'était assez révolutionnaire pour l'époque, assez violent aussi en tant qu'animation. Je n'ai pas vu le film encore, mais je me propose de le faire éventuellement. Film que j'ai beaucoup apprécié, qui est la dernière production de M. Night Shyamalan. C'est le film Split, film d'horreur à connotation fantastique, avec l'interprétation magistrale de James McAvoy, aux côtés de Anna Taylor-Joy et Betty Buckley, et qui raconte l'histoire de Kevin, qui a jusqu'à présent révélé 23 personnalités différentes, aux attributs aussi différents et aux attributs physiques particulièrement, et qui se voit tour à tour chevauché par ses personnalités, dont deux sont prédominantes et qui ne sont pas nécessairement très gentilles. Petite chose que je reproche peut-être un petit peu au film, c'est que M. Night Shyamalan a basé sa réputation de cinéaste sur ses conclusions de films, ses fins qui souvent sont assez surprenantes, voire même spectaculaires. Ici, un petit peu moins. Par contre, est-ce que ça laisse la place à une ouverture pour une suite ou un film qui sera connexe? Je ne le sais pas. Je ne gâche pas le punch, entre guillemets. Mais faites référence en arrière un film dans lequel on voyait en vedette, pour vous situer un peu, Samuel L. Jackson et Bruce Willis. Resident Evil, The Final Chapter, film d'horreur, zombie, d'action, de Paul W.S. Anderson, mettant en vedette son épouse Mila Jovovich. C'est supposé être le dernier chapitre. Honnêtement, moi j'ai été un admirateur et quelqu'un qui écoutait avec plaisir les autres chapitres de Resident Evil. Et celui-là, j'ai tout simplement eu l'impression qu'il était comme très peu nécessaire. Spectaculaire au niveau des effets spéciaux, mais c'est à peu près tout parce que c'est très étiré. La sauce est étirée, mais on nous laisse sur une fin qui laisse peut-être présager que finalement, il n'y aura peut-être pas conclusion avec ce final chapter. Je ne le souhaite pas. Je pense que Resident Evil a fait ce qu'il avait à faire dans les 10-12 dernières années. Film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un biopic dramatique de Founder, le fondateur qui met en vedette Michael Keaton. C'est un très, très bon film qui raconte l'histoire de Rick Kroc. Rick Kroc, c'est celui qui aura franchisé les premières franchises du méga restaurant de fast-food, restauration rapide McDonald's. Tout ça en partant dans les années 50 du premier restaurant McDonald's Brothers, qui était justement par les frères McDonald. Je crois que c'était à San Bernardino, en Californie. Et Rick Kroc, qui est un opportuniste, profite de façon, je dirais, relativement malveillante des frères McDonald pour se faire un immense tremplin vers la richesse et la gloire et s'attribuer à peu près tout. Donc, c'est vraiment un personnage qui semble avoir été relativement malhonnête. Mais c'est un très, très bon film. Et j'ai dit que ça a une connotation historique parce que McDonald's est tout de même une des chaînes mondiales les plus importantes. Et au fil des années, on a vu qu'elle a retransformé sa vocation pour diverses raisons, mais c'est toujours quelque chose de très important comme endroit de restauration, et c'est très bon comme film. Quoique à l'occasion, McDonald's, c'est pas mauvais à manger non plus. Je suis dans la deuxième saison de Outsiders, qui met en vedette le très bon Ryan Hurst. Ça, c'est le Hoppy des Sons of Anarchy. Aux côtés de Gillian Alexie et Devin Morse, c'est une dramatique à connotation d'action et qui raconte l'histoire du clan Farrell qui vit dans les Appalaches actuellement aujourd'hui de nos temps et qui ont fait complètement abstraction de tout ce qui était la civilisation, les législations dites civilisées pour vivre de façon récluse en tant que clan Hillbilly et de produire du moonshine pour être capable de le vendre justement à ces citadins qui en sont tellement accros. Ben, j'ai quelques épisodes d'écouter jusqu'à présent et je dois dire que c'est tout aussi bon que la première saison et c'est ce que je vais continuer ce soir, évidemment, d'écouter Outsiders. J'ai écouté un film que j'attendais avec quand même passablement d'attente, soit un film d'horreur à connotation de possession qui porte le nom de Incarnate, qui mettait en vedette Aaron Eckhart. Ça, c'est le double face de Batman, pour vous situer. Et qui raconte l'histoire d'une mère célibataire qui est le témoin de phénomènes très inquiétants entourant son fils de 11 ans, Cameron, qui est interprété par David Mazouz, qui est dans la série Gotham, le jeune Bruce Wayne. Ben, c'est très décevant. C'est très décevant. Incarnate, c'est un film qui s'étire énormément pour pas grand-chose, qui nous amène à peu près nulle part. Donc, j'ai trouvé le film décevant et, à la rigueur, presque ennuyant. Justement, pour faire un lien avec la chance que j'ai eue la semaine dernière de voir Gorgoth, c'est bien, voici une pièce qui a été interprétée et j'espérais pouvoir l'entendre. Et c'était vers la fin du spectacle une grande surprise pour moi et probablement pour plusieurs, soit la pièce de cet album de 98, Obscura, Gorgoth. 89.1. Voix d'Afrique, émission d'actualité africaine, les dimanches 8h sur C'est Fou, 89.1 FM. Vous êtes passionné ou curieux du monde de la course automobile? Vous voulez en savoir sur la technologie des véhicules électriques? Dans l'émission En piste avec Tania Baudin, on discute de tout ça et bien plus. Formule 1, NASCAR, karting, World Rallycross, En piste avec Tania Baudin, les mercredis à 14h. Le groupe des médias étudiants de l'UQTR, qui regroupe CIFU 89.1 FM et le journal Zone Campus, vous invite à son Assemblée générale annuelle. C'est l'occasion de mieux connaître l'organisme, d'avoir la possibilité de vous y impliquer et de pouvoir vous prononcer sur les points à l'ordre du jour, comme les finances et le plan stratégique. L'Assemblée aura lieu à la Chasse-Galerie le mardi 18 avril prochain dès 17h. Une consommation vous est offerte. Soyez-y en grand nombre. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. h 41, avant la pause publicitaire, vous avez eu, pour certains, j'imagine, le bonheur, et pour d'autres, une incompréhension envers cette pièce de Gorgots, la pièce titre de l'album de 98, Obscura, l'époque du défunt Steve Urdle, qui est décédé il y a quelques années d'une maladie. Album qui est d'une complexité par moment, pour les non-initiés, désarmante et déconcertante, mais comme j'ai explique à certains qui veulent bien m'entendre, Gorgas est un groupe qui comporte certains éléments déclencheurs qui, à certains moments donnés, vous rendent la vision claire et vous comprenez ce qu'ils font. Et à ce moment-là, ça devient vraiment excellent. Vraiment très, très bon album, Obscura. Je le recommande à tous ceux qui n'ont pas encore osé aller jusqu'à vers Gorgots. Vous devriez le faire parce que c'est une musique de grande qualité et c'est aussi une musique très audacieuse. La semaine prochaine, à réanimation, soit le 25, je vous présenterai l'album Blood Raven, l'album de la formation, devrais-je dire, Blood Raven, Jotun, qui est paru il y a, je crois que c'est une semaine, ainsi que l'album marquant, puisque ce sera le dernier épisode, ou c'est quasiment un téléroman, la dernière édition de réanimation pour le mois d'avril. Donc, c'est un album qui s'adresse ce mois-ci à une formation qu'on a entendue en début d'émission, soit Melekesh, l'avant-dernier album des Happy Genesis qui est paru en 2010. Notez aussi que cette saison-ci, c'est-à-dire ce printemps, Réanimation, vers la fin du mois de mai, fera aussi relâche, comme le parle les deux dernières années, pour laisser place aux diffusions des parties des Aigles de Trois-Rivières, soit le baseball. Donc, ça devrait être dans le cours du 22 mai, quelque chose comme ça. Bref, ça sera à suivre. Deuxième présentation de la soirée, c'est une formation américaine. Je n'ai pas énormément d'informations sur le groupe. J'ai fouillé. Je n'ai pas trouvé énormément de choses. Quoi qu'il en soit, il s'agit de leur premier album paru de façon indépendante. Formation américaine qui porte le nom de Era of Discord. Premier album qui est paru le 31 mars dernier sous le nom de Terra Imperium. Je vous propose d'écouter deux pièces de ce groupe death metal à tendance groove que j'ai assez bien coté. Et je vais d'ailleurs probablement recommencer à coter numériquement mes appréciations d'albums et de films et de séries sous peu. Je pense que je vais restituer plus les internautes et les auditeurs avec un chiffre, comme beaucoup de sites le font d'ailleurs. Je lui ai redonné une bonne cote et je vous propose d'aller lui donner votre cote. Era of Discord, la pièce Buried Beneath. Let's go! constitutions of government. What a constitution which at any time exists, shall change by the explicit and authentic act of a whole people, is sacredly obligatory upon all. The very idea of the power and the right of the people to establish government presupposes the duty of every individual to obey established government. We'll never know freedom under tyranny. You'll forget. La formation américaine Era of Discord, formation qui donne dans un death metal la tendance groove. On vient d'entendre deux extraits de leur premier album, Terra Imperium, qui est paru le 31 mars dernier de façon indépendante, soit à l'instant Ground for Zero et précédé de Buried Beneath. Formation qui m'a bien intéressé, je dois dire. N'oubliez pas, cette semaine, ici même assez fou, dès 11h, c'est l'émission Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock, qui sera accompagné mon ami le Rockmaster en solo cette semaine, qui vous présentera le traditionnel 3 pour 1, en plus une chronique des albums, les groupes obscurs et albums classiques, bien entendu, dès 11h jusqu'à 17h, Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock, ainsi que l'émission subversive de mon ami DJ Tower of Death et sa subversion. Ce vendredi, dès 18h30 sur Underground Québec, ainsi que disponible en balado-diffusion podcast sur SoundCloud, ainsi que la consultation des chroniques de mon ancien assistant et ce pestilentiel gobelin sinistro sur hurlemort.com. Tant qu'à moi, je vais être là mardi prochain pour la présentation de l'album classique. L'album classique, qu'est-ce que je raconte? L'album marquant, The Epigenesis de Malakesh, ainsi que quelques pièces du premier album de Blood Raven. Les gens de Matière Noire seront là pour 21h pour continuer à vous entretenir musicalement. Moi, je vous laisse sur une dernière pièce qui est tirée du premier album de Triptychon, formation suisse, qui a vu naître des cendres de Celtic Frost. L'album étant Hypericteria Daimones, qui est paru en 2010 Century Media. Je vous propose la pièce d'ouverture, la longue pièce d'ouverture, Gaetia. Et je vous dis d'être des miens la semaine prochaine. Et évidemment, allez tous vous faire foutre, see you!